son Chanel bag. Je lui dis viens voir Coco. Tu m'as reconnu au feu rouge, bleu quand t'es dans le merco. Si tu nous invites, bien sûr on vient, ramène ta clique. T'inquiète, on tient, on bloque tout le vip. On leur laisse l'air, on taille pas de pipe. Tu le sais bien. Vaut mieux que tu ne comprends pas. Mais c'est pas, c'est pas eux. On agit direct, my G, on voit pas trop parler. Nous c'est les flingueurs, baby. On peut t'arriver, et t'es qu'il a dans Julio. Lance à Zul, dans Amigos. Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Coco Chanel, on va foutre le bordel. Coco Chanel, on va foutre le bordel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est pas on agit direct, my G, on va pas trop parler. Nous c'est les flingueurs, baby. On peut t'arriver, et dès qu'il a dans Julio. Lance à Zul, Casamigos. Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête.